Eric Ouimana assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Des habitants de la plaine de Gihanga et Manda se plaignent de se voir privés d'eau à cause des actes de sabotage commis par des malfaiteurs qui cassent les conduites d'eau. Vous l'entendrez. Le porte-parole du ministère de l'Environnement a annoncé que très bientôt, le gouvernement versera les frais d'indemnisation aux personnes qui seront expropriées du site où sera érigé le palais du Parlement sur la colline Niaoutouti rurale en province de Gitega. C'était lors de l'émission publique qui s'est déroulée en province de Chibitoke. C'était lundi. Dans la chronique « Parle, rassure-moi », nous parlerons de la capacité des jeunes issus des mariages interethniques à déconstruire des messages de haine. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Dans les enquêtes menées par la CVR, Commission Vérité et Réconciliation, pour expliquer les massacres qui ont eu lieu au Burundi en 1972, il a été constaté qu'il n'y a pas eu des rebelles, mais il s'agissait d'un groupe de gens appelés Maïmoulélé, venus de la République démocratique du Congo. C'était le Zaïre à l'époque. Dans l'enquête menée par la Commission Vérité et Réconciliation, Aloïse Batunganayo explique qu'il s'agissait des mercenaires qui ont commis ces crimes. Suivez-le. Les Maïmoulélé d'abord n'existaient pas. C'est plutôt le combattant mouvement Simba créé par Pierre Moulélé, ancien ministre de l'Éducation, sous le régime de Patrice Lumumba. Alors, Maï, c'était leur devise. Moulélé, c'est le nom de Pierre. Les combattants de Simba, pour le cas du Burundi, ce sont des mercenaires qui ont été engagés par le régime Micombero pour déclencher les massacres contre d'abord les Batutsi, afin que Micombero puisse en découdre avec le danger pour lui, le danger qui était représenté par les Bahutu intellectuels et les Batutsi Banyaruguru. Et lorsqu'on parle de Batutsi Banyaruguru, entendez, les Batutsi qui n'étaient pas des Bahima. Donc, les Maïmoulélé ou les combattants de Simba sont des mercenaires qui ont été invités, nourris, payés et logés par le régime de Micombero. Les activités des agents de santé communautaire et la santé communautaire vont bientôt s'améliorer dans les provinces sanitaires de Muyinga, Karusi, Gitega et Muramvya. Cela suite à un don de 26 motocyclettes d'une valeur de plus de 114 millions de francs burundais que l'ONG Memisa Belgique a offert à ses entités sanitaires ce mercredi à Gitega. Ce sont là les propos des bénéficiaires de ce don au moment où le directeur général de la santé leur demande d'en faire une bonne gestion. Gérard Nibigira. Le médecin directeur de la province sanitaire de Muyinga, Dr Nkunzimana Eric, dit que ces motocyclettes participeront dans l'amélioration de la santé communautaire. Nous venons de recevoir un don de moto qui va renforcer les activités normalement qui sont menées au niveau de la communauté, et dans le but de renforcer la santé communautaire, dans le but de suivre de près les activités qui sont menées par les agents de santé communautaire, mais aussi de suivre de près les activités menées par les associations à base communautaire. Et souvenez-vous aussi que nous avons d'autres activités, surtout en rapport avec l'hygiène, en rapport avec les mutualités communautaires. Tout cela va entrer dans le même sens pour renforcer effectivement le système de santé communautaire. Le coordinateur de l'ONG Memisa Belgique qui a offert ces motocyclettes indique que c'est dans le cadre de promouvoir la santé communautaire. Nous venons de remettre ici à Gitega 26 motos pour les activités de promotion de la santé communautaire dans les provinces de Muyinga, Karus, Gitega et Muramvya. Ces motos sont réservées à ce que les équipes cadres des bureaux provinciaux de santé, les équipes cadres des districts aient les moyens pour se déplacer, aller dans les centres de santé, aller jusque dans les collines pour superviser, encadrer encadrer et également accompagner les activités des techniciens de promotion de la santé et aussi des agents de santé communautaires. Le directeur général de la santé qui avait représenté le ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida a demandé aux bénéficiaires de ces motocyclettes de bien les gérer. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Les habitants de la colline Nyawututsi rurale en province de Gitega ayant des propriétés sur le site où sera érigé le palais du Parlement vont bénéficier de leurs indemnisations très prochainement. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère de l'Environnement lors de l'émission publique qui s'est déroulée en province de Chivitoke lundi. Krem Ndikumasawo fait savoir que la question des propriétaires des parcelles qui sont près du palais présidentiel et qui n'ont pas été indemnisés est parmi les priorités du gouvernement. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Marie Vianney Ngendakuman. Imyitwarariko abenegihugu bafise niyo myitwarariko leta eba ifise. Les priorités de la population sont les mêmes de celles du gouvernement. Concernant les habitants qui ont des propriétés, si la colline Nyawututsi rurale où sera construit le palais du Parlement, cette question est bien connue au sein de notre ministère. Nous avons terminé le travail d'identification. D'ici peu, nous allons entamer la procédure d'attribution des indemnités pour ceux qui sont en ordre. Nous les tranquillisons qu'il n'y aura pas d'injustice. Ce travail sera mené à respecter le code en vigueur relatif aux indemnités. C'est le même cas pour ceux qui ont des parcelles près du palais présidentiel communément appelé Kwanhare. Une commission des experts du ministère chargée d'étudier cela a été mise en place et nous sommes confiants que ce problème trouvera la solution d'ici peu. Les coupures d'électricité observées dans les provinces de Kirundo, Ngozi, Muyinga, Changuzo et Ruyigi est due à la vétusté des transformateurs ainsi que les poteaux en bois toujours usés. Tel a été le constat dégagé lors d'un atelier organisé ce mardi à Changuzo à l'endroit des administrateurs des communes de ces provinces à l'initiative de l'autorité de régulation de l'eau et de l'électricité au Burundi, AREN. Son directeur général a informé que bientôt la réhabilitation des infrastructures de l'eau et d'électricité va bientôt démarrer dans ces provinces. Cela fait déjà 2 mois que le transformateur alimentant le quartier Nyarulemba et une petite partie de Nyaburumba, au chef-lieu de la province, de la commune et province Makamba, est en panne. Certains usagers du courant électrique dans leur commerce disent qu'ils travaillent à perte car la clientèle a diminué. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganilo, à l'exemple des femmes vendeuses de manioc, à l'endroit communément appelé Kuibereshi, demande à la régie des eaux de renormaliser la situation. Le chargé de la communication dans cette entreprise de production d'eau et d'électricité indique que ce problème est connu, mais que le transformateur commandé pour remplacer celui qui est endommagé n'est pas encore arrivé. Et puis, les habitants de la plaine de Gihanga et Mpanda se lamentent du manque d'eau suite aux actes de sabotage qui font que des tuyaux qui conduisent l'eau à partir des sources de captage de Lugazi dans la province de Bubanza sont souvent cassés par des malfaiteurs non identifiés. Ceux qui n'ont pas d'eau actuellement demandent aux autorités de résoudre ce problème avant que des maladies des mensales ne les attrapent. L'administrateur de la commune, Lugazi, explique que ces actes de sabotage sont commis par des gens qui n'ont pas d'eau et qui veulent puiser. Isaac Nyandui a ajouté que ce problème va bientôt être résolu. Parle, rassure-moi. Les jeunes issus des mariages interethniques peuvent être des agents de déconstruction des messages de haine, comme le témoigne un d'eux. C'est également un avis partagé par un expert en sociologie et membre du mouvement de Burundais sans ethnie. Lambert Hakuzi-Aremier fait observer que si le couple vit pacifiquement, les enfants issus de ces mariages n'auront pas d'influence. Mireille Kanyang. Un jeune issu d'un mariage interethnique peut se sentir comme une troisième composante, témoigne un de ces jeunes. Comment je me sens? Je me sens comme n'appartenant pas particulièrement à une des composantes, que ce soit Hutu ou Tutsi. C'est-à-dire, par exemple, puisque nous sommes dans une société où nous sommes presque obligés d'appartenir soit à une de ces deux composantes, je me sens comme on peut, je ne dirais pas dans la marge, mais je me sens comme une troisième composante qui n'est pas ni Hutu ni Tutsi. Il arrive, poursuit-il, d'être tiraillé entre les deux tendances. Ah oui, bien sûr. Il arrive, par exemple, quand je vais dans la famille du côté Hutu, ils vont me dire, il y a des gens qui vont me dire des choses, qui vont me dire un certain récit sur ce qui se serait passé du côté Tutsi. Ils vont me dire, tu vois, ceux-ci sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Quand je vais d'un côté ou d'un autre, il y a des gens qui vont vous raconter, tu vois, il y a des gens qui nous ont fait ça, parce que notre famille, comme toutes les familles burundaises, a souffert des affres de la guerre. Et c'était une guerre souvent qui avait des relents un peu ethniques. Donc oui, il m'arrive d'être tiraillé. Si des attaques sont dirigées contre un des camps, il analyse et prend du recul, ce qu'il conseille également aux autres jeunes. Mon attitude, c'est souvent de prendre un peu de recul. Parce que même à la maison, dans l'éducation que nous avons reçue, nous n'avons pas reçu de la part de nos parents qui nous disent ce côté est bon, ce côté est mauvais. Puisqu'ils sont eux-mêmes différents et ils se sont mariés, ce sont des preuves vivantes qu'on peut aller au-delà de ces différences-là. De son côté, Lambert Hakuziaremye, sociologue et membre du mouvement de Burundi sans ethnie, indique que les messages de haine se construisent en famille. La première chose, la plus importante qu'il faut comprendre dans ce genre de messages de haine qui sont basés sur les ethnies, c'est que ces messages, d'abord, il y a des espaces où ils sont construits. Parmi ces espaces où on construit ces messages de haine, la famille, le ménage, occupe une place importante. Alors, dans un ménage où le mariage a été interethnique, d'abord, au sein du ménage, si le couple cohabite pacifiquement sans toutefois qu'il y ait des problèmes, je pense que l'enfant sera épargné des discussions, aussi des messages qui remettent en cause ou qui remettent en cause l'image de l'autre ethnie. Dans ce cas, je pense qu'il est aussi important pour l'enfant de pouvoir évoluer dans un environnement sain et surtout qui ne montre pas qu'il y a de la haine. Il affirme que les jeunes issus de ces mariages interethniques peuvent éviter la propagation des messages de haine. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Wimana pour la collaboration technique. Gardez l'écoute, nos programmes continuent sur Isanganiro.